Le groupe de visite dans la patrie des Coréens au Japon, conduit par Park Yong-gi, chef adjoint de département du président du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, arrivé le 16 par vol à Pyongyang, a déposé les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.